La 17e réunion de la coprésidence de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie s'est déroulée le 26 janvier par l'intermédiaire de farces entre le Nord, le Sud et la diaspora. On y a discuté de l'orientation des activités de l'Alliance de cette année pour obtenir la prospérité dans le mouvement de réunification pan-nationale en unissant la volonté et la force de toute la nation. Il y a eu tout d'abord le rapport. L'orateur a dit notamment: pour que cette année soit très significative dans l'ouverture d'une nouvelle phase de la réunification indépendante remarquable dans l'histoire nationale, notre alliance s'efforcera toujours à la tête de la nation pour ainsi écarter des conflits militaires aventureux et le grave danger de guerre entre le Nord et le Sud, animer le climat d'amélioration des rapports intercoréens et créer une atmosphère pacifique conformément à l'aspiration et au désir de toute la nation. Avec la volonté d'ouvrir une nouvelle brèche pour la paix et la réunification indépendante du pays, notre alliance s'engagera entièrement pour que la conférence pan-nationale favorable à la réunification soit une historique réunion nationale regroupant les délégués et personnalités de tous les milieux et couches de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Également, notre alliance impulsera le mouvement pan-national visant à relever le défi des forces scissionnistes de l'intérieur et de l'extérieur du pays opposées à l'attachement à la réunification nationale. Au terme de la réunion, les participants ont adopté une résolution commune.